s'échauffer doucement. Je te prends par les bandes et je t'envoie un seul million. Je me roulerai par terre jusqu'à ton mortier. Oh, yeah.